Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Conversation 2 Conversation 2 من أين أنت؟ D'où venez-vous? D'où venez-vous? Ana min Basel. De Bâle. De Bâle. Basel fi Suisra. Bâle se trouve en Suisse. Bâle se trouve en Suisse. Ismahou li an uqaddim lakum al-Sayyid Miller. Puis-je vous présenter Monsieur Müller? Puis-je vous présenter Monsieur Müller? Il est étranger. Il est étranger. Il parle plusieurs langues. Il parle plusieurs langues. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Est-ce la première fois que vous êtes ici? Est-ce la première fois que vous êtes ici? لا، قد كنت هنا في العام الماضي. Non, j'y étais déjà l'an dernier. Non, j'y étais déjà l'an dernier. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Mais seulement pour une semaine. Mais seulement pour une semaine. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Comment vous plaisez-vous chez nous? Comment vous plaisez-vous chez nous? جدا. الناس هنا لطفاء. Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. Et le paysage me plaît aussi. Et le paysage me plaît aussi. Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? أنا مترجم. Je suis traducteur, traductrice. Je suis traducteur, traductrice. أنا أترجم الكتب. Je traduis des livres. Je traduis des livres. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Êtes-vous seul ici? Êtes-vous seul ici? لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. Non, ma femme, mon mari, est aussi ici. Non, ma femme, mon mari est aussi ici. وهناك أطفالي الاثنان. Et voici mes deux enfants. Et voici mes deux enfants.